Jean-Joseph Renaud. Un soir à Ouessant. L'Atlantique, tout proche, nous assourdit. À chaque coup de bourrasque, pluie et grêle flagellent l'étroite fenêtre. Si nous sortions, l'éternelle tempête nous balayerait. La Bretagne a raison d'appeler Ouessant Enès Eussa, c'est-à-dire l'île de l'épouvante. Charles, mon ami de toujours, parlait rarement sur ce ton ému. Il reprit en criant « Et dire que c'est par un temps absolument tranquille que Juliette, ma pauvre femme, notre amie d'enfance, se tua en tombant de la falaise. Il y a juste un an. Affreux anniversaire !»« Voyons, calme-toi, ordonnai-je avec force, car ses yeux étaient devenus hagards et ses mains blanchissaient en serrant la table. « Oui, oui, je dois garder tout mon sang-froid. Oui, écoute, tu vas savoir pourquoi je t'ai brusquement prié de quitter Paris avec moi et de m'accompagner en cette île terrifiante. Depuis longtemps, je ne suis plus maître de mes nerfs. Cela empire ces temps-ci. Alors, pour me rendre compte, j'ai consulté une voyante dont les prédictions se réalisent toujours. Voici son verdict. Ce soir même, je dois mourir dramatiquement. Oui, ce soir, tout à l'heure. Comment peux-tu ajouter foi à... Elle m'avait annoncé déjà que Juliette mourait soudainement à Ouessant. Je te dis qu'elle ne se trompe jamais. Alors, je suis venu rentrer dans le néant, ici même, comme ma pauvre femme, le jour anniversaire, par tendresse pour elle et pour expier. Il pencha davantage vers moi son visage qui se violaçait. « Parce que c'est moi, continua-t-il en haletant, c'est moi qui ai tué Juliette, moi. Je commençais à ne plus me dominer, à entendre des voix auxquelles je devais obéir. Juliette, je l'adorais, mais elle s'obstinait à me contrarier, à se moquer de moi. D'un geste que je n'ai pu retenir, je l'ai poussé. Une chute de 15 mètres sur les rocs. Depuis, à Paris, Juliette me poursuit, me persécute. Je sens partout sa présence. Dans les ténèbres, je l'aperçois. Mais j'espère obtenir son pardon en terminant moi-même, ici, tout à l'heure, mon existence. Fou et dangereux sans doute. J'essayais de le raisonner. « Charles, tout cela, c'est de la fatigue nerveuse. La nuit finira sans que rien ne t'arrive. » Il sortit d'un tiroir un gros revolver d'ordonnance. « Ton vieux Charles va réaliser lui-même la prédiction. Dans 3 minutes, nous connaîtrons l'au-delà. Oui, nous, car je ne te laisse pas ici, je t'emmène. Pour toi, la première cartouche. » Ensuite, je ne me raterai pas, va !» Il était beaucoup plus vigoureux que moi, et une table nous séparait. Je ne pouvais même pas essayer de le désarmer. Je tentais tout pour le ramener à la raison. Je lui rappelais notre enfance commune, nos familles, et ne réussis qu'à l'hériter. « Malgré toi, tu m'accompagneras. Dans 5 secondes, je tire. » Il braqua sur moi le revolver. Je compte. 1, 2, 3, 4. À cet instant, quelqu'un frappa à la fenêtre de l'extérieur plusieurs coups forts. Charles regarda et se mit à trembler d'effroi, car à la vitre inférieure, un visage livide regardait, celui de Juliette. Le démon ouvrit la bouche, chercha de l'air, s'effondra sur le sol et ne bougea plus. Dehors, une voix féminine ricana en s'éloignant. Comme on embarquait le cercueil de Charles sur le petit vapeur qui allait le conduire à Brest, j'aperçus une Ouessantine en loques dont le visage ressemblait assez à celui de la pauvre Juliette, pour que s'explique notre confusion, la nuit, dans une douteuse lumière et en de telles circonstances. « Qui est-ce » demandai-je. C'est Dianique, monsieur, une mendiante. Depuis des années, elle erre dans l'île. Elle frappe aux fenêtres pour demander l'aumône.